Deuxième partie, chapitre 7e de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 7e de la conclusion et du bouquet spirituel. Enfin, l'on doit terminer la méditation par trois actes qui demandent beaucoup d'humilité. Le premier est de remercier Dieu de la connaissance qu'il nous a donnée de sa miséricorde ou d'une autre de ses perfections et de toutes les saintes affections et résolutions que sa grâce a opérées en nous. Le second est d'offrir à sa divine majesté toute la gloire qui peut lui revenir de sa miséricorde ou d'une autre de ses perfections, lui présentant encore toutes nos affections et résolutions en union des vertus de Jésus-Christ son Fils et des mérites de sa mort. Le troisième doit être une humble prière par laquelle nous demandons à Dieu la grâce de participer aux mérites de son Fils, l'esprit de ses vertus et principalement la fidélité à nos résolutions dont nous devons reconnaître que l'exécution dépend de sa sainte bénédiction. Priez en même temps pour l'Église, pour vos pasteurs, vos parents, amis et autres personnes, par l'intercession de Notre-Dame, des anges et des saints, et finissez par dire le Pater et l'Ave, qui sont les prières communes et nécessaires à tous les fidèles. Au reste, vous savez ce que je vous ai dit du bouquet spirituel de la méditation, et voici encore une fois ce que j'en pense. Ceux qui se sont promenés le matin dans un beau jardin n'en sortent pas bien satisfaits s'ils n'en prennent quelques fleurs pour avoir le plaisir de les sentir le reste du jour. C'est ainsi qu'il faut recueillir le fruit de votre méditation, en vous formant une idée de deux ou trois choses qui vous auront plus frappé l'esprit et plus touché le cœur, pour les repasser de temps en temps dans le cours de la journée et pour vous soutenir dans vos bons propos. C'est ce qu'on fait au lieu même où l'on a médité, en se promenant un peu de temps ou autrement avec une double attention. Fin du chapitre 7e. Deuxième partie.